À 7h10, on arriva devant la porte Maillot. Frédéric et ses témoins s'y trouvaient, habillés de noir tous les trois. Reginbard, au lieu de cravate, avait un col de crin comme un troupier. Il portait une espèce de langue-boîte à violon, spéciale pour ce genre d'aventure. On échangea froidement un salut. Puis, tous s'enfoncèrent dans le bois de Boulogne, par la route de Madrid, afin d'y trouver une place convenable. Reginbard dit à Frédéric, qui marchait entre lui et du sardier: « Eh bien, et cette peur, qu'en fait-on? Si vous avez besoin de quelque chose, ne vous gênez pas, je connais ça. La crainte est naturelle à l'homme. » Puis, à voix basse: « Ne fumez plus, ça amollit. » Frédéric jeta son cigare qui le gênait, continua d'un pied ferme. Le vicomte avançait par derrière, appuyé sur le bras de ses deux témoins. De rares passants les croisaient. Le ciel était bleu et on entendait par moments des lapins bondir. Au détour d'un sentier, une femme en madras causait avec un homme en blouse et, dans la grande avenue, sous les marronniers, des domestiques, en veste de toile, promenaient leurs chevaux. Sisy se rappelait les jours heureux où, monté sur son alezan et le lorgnon dans l'œil, il chevauchait à la portière des calèches. Ses souvenirs renforçaient son angoisse. Une soif intolérable le brûlait. La susurration des mouches se confondait avec le battement de ses artères. Ses pieds enfoncés dans le sable, il lui semblait qu'il était en train de marcher depuis un temps infini. Les témoins, sans s'arrêter, fouillaient de l'œil les deux bords de la route. On délibéra si l'on irait à la croix Catelan ou sous le mur de Bagatelle. Enfin, on prit à droite et on s'arrêta dans une espèce de quinconce entre des pins. L'endroit fut choisi de manière à répartir également le niveau du terrain. On marqua les deux places où les adversaires devaient se poser. Puis Reginbard ouvrit sa boîte. Elle contenait, sur un capitonnage de basane rouge, quatre épées charmantes, creuses au milieu, avec des poignées garnies de filigrane. Un rayon lumineux, traversant les feuilles, tomba dessus, et elles parurent à Sisy briller comme des vipères d'argent sur une mare de sang. Le citoyen fit voir qu'elles étaient de longueur pareille. Il prit la troisième pour lui-même, afin de séparer les combattants en cas de besoin. Monsieur de Comines tenait une canne. Il eut un silence. On se regarda. Toutes les figures avaient quelque chose d'effaré ou de cruel. Frédéric avait mis bas sa redingote et son gilet. Joseph aida Sisy à faire de même. Sa cravate étant retirée, on aperçut à son cou une médaille bénite. Cela fit sourire de pitié Reginbard. Alors, monsieur de Comines, pour laisser à Frédéric encore un moment de réflexion, tâcha d'élever des chicanes. Il réclama le droit de mettre un gant, celui de saisir l'épée de son adversaire avec la main gauche. Reginbard, qui était pressé, ne s'y refusa pas. Enfin, le baron s'adressant à Frédéric: Tout dépend de vous, monsieur. Il n'y a jamais de déshonneur à reconnaître ses fautes. Du Sardier l'approuvait du geste. Le citoyen s'indigna. Croyez-vous que nous sommes ici pour plumer les canards? Fichtre! En garde! Les adversaires étaient l'un devant l'autre, leurs témoins de chaque côté. Il crie la signale. Allons!